deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire des femmes musiciennes, compositrices, artistes, écrivaines, chanteuses. Ce matin, les femmes dans le milieu de l'art. Alors que se prépare pour juin une grande exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes, titrée Créatrice, l'émancipation par l'art, dont la commissaire sera Marie-Jo Bonnet, mais aussi une autre exposition sur Berthe Morisot au Musée d'Orsay cet été à Paris, nous allons ce matin nous intéresser à l'itinéraire de femmes peintres, de femmes sculptrices, graveuses, copistes au 18e, 19e et 20e siècle, à leur promotion en tant qu'artistes, mais aussi aux barrières qui ont été mises à leur réussite sociale d'artistes, avec Séverine Yattard qui a préparé cette émission avec nous, grâce à des textes qui seront lus par Daniel Königsberg et commentés par celles qui les ont choisis, ces textes. Charlotte Fouché-Zarmagnan, elle est historienne de l'art, chargée de recherche au CNRS, au laboratoire d'études du genre et des sexualités. Elle est auteure de Créatrice en 1900 aux éditions Mar et Martin, parue en 2015. C'était le résultat de sa thèse. Séverine Sofio est sociologue, elle est chargée de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris. Elle est autrice de Artiste Femme, la parenthèse enchantée, 18e, 19e siècle au CNRS édition. Pour les petites choses, suivons l'avis de nos épouses, de nos maîtresses, de nos amis. Pour les grandes, gardons-nous de les écouter. Schopenhauer, votre favori, chère belle, à l'époque où ne régnait pas encore le sombre et tumultueux Nietzsche, a dit « Oui, c'est permis de dire que ce qui caractérise les femmes, c'est qu'elles ont les cheveux longs et les idées courtes. » Et un malotru d'ajouter qu'aujourd'hui, même les cheveux sont courts. Mais venons aux matières artistiques. Il est un art dans lequel la femme excelle. C'est celui des choses qui n'exigent ni pensée profonde, ni grand sentiment, ni large virtuosité. Des fleurs, des natures mortes, des objets élégants, des scènes de genre paisibles, des paysages doux, des portraits d'enfants, des animaux gentils, ainsi de suite. Celles qui s'appliqueront sérieusement et opiniâtrement à ces catégories y réussiront pleinement, n'en doutons pas. Les femmes ne sont nullement condamnées à la médiocrité, a dit Joseph de Maistre. Elles peuvent prétendre au sublime, mais au sublime féminin. Le tort de la plupart, c'est de vouloir en sortir, de prétendre traiter les sujets réservés au mâle avec les procédés, les allures de mâle. Alors apparaissent les œuvres que ces dames nous exhibent trop souvent et qui nous rendraient sévères pour elles si leur sourire que nous voyons, que nous supposons, ne nous désarmait pas. Elles sont en peinture ce qu'elles voudraient être en politique. Elles rêvent la même gloire, comme elles réclament les mêmes droits. Bonjour à vous, Séverine Sofio, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Charlotte Fouché-Zarmagnan. Bonjour. Qui est cet Edmond Picard, ce grand critique d'art qui, dans Les Femmes Artistes, dans le numéro de l'Art Moderne du 21 septembre 1884, se permet ce jugement-là? Alors, c'est un critique d'art, comme vous le dites, qui est fondateur d'une revue très importante en Belgique qui s'appelle L'Art Moderne et qui est une revue qui va encourager les avant-gardes artistiques. Et c'est aussi, c'est pour ça, justement, dans le texte, on le voit, c'est aussi un juriste, un avocat. Donc, dans ce texte, il parle évidemment de l'invasion des femmes dans les arts, mais qui... Il a un peu peur que ça devienne plus important dans les milieux aussi politiques et... Enfin, on est à la fin du 19e siècle. Exactement. Là, et donc 1884. On voit, 1884, c'est un moment où les femmes commencent à s'émanciper dans les domaines peut-être alors de artistiques, mais aussi évidemment politiques. Hein. C'est le moment où il y a les journaux de suffragettes, il y a quand même l'égalité politique, les femmes... peuvent désormais s'instruire plus facilement. Hein. Il y a les lois Jules Ferry, etc. Donc, c'est un moment qui devient dangereux, en tous les cas, pour ceux qui ne souhaitent pas que les femmes s'émancipent. Et Séverine Sofio, néanmoins, notre ami Edmond Picard, si c'est notre ami, donc reprend certains des arguments les plus classiques, pourrait-on dire, de la critique contre les artistes femmes. Elles peuvent faire des choses sérieusement et opiniâtrement. Elles ne peuvent prétendre qu'au sublime féminin. C'est quoi ce sublime féminin qui est forcément moins important que le sublime masculin ? Ah, grande question. Le sublime féminin est plutôt une invention de la fin du 19e siècle, puisque dans la période à laquelle je me suis intéressée, moi, donc plutôt la fin du 18e siècle et le début du 19e, on n'a pas vraiment ce genre de débat, et on a des débats, mais différents. Et la question du génie féminin ne se posait pas à cette époque. C'était une évidence. C'est-à-dire que le génie féminin existe. Et c'est quelque chose qui est mis en doute à partir du dernier tiers du 19e siècle. Et c'est un mouvement qui est très intéressant à observer, cette espèce de régression par rapport à une situation qui était beaucoup plus favorable pour les femmes plutôt au début du 19e siècle. C'est pour ça que vous avez appelé votre livre donc sur ces femmes artistes 18e, début 19e, la parenthèse enchantée. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qu'avait écrit dans d'autres domaines Mona Ozouf, par exemple, sur les femmes écrivaines, les salons, la liberté qui serait plus grande de laisser, provoquant en cela une grande querelle chez les historiennes des femmes. Donc, une liberté qui serait plus grande laissée aux femmes dans ce 18e siècle galant et libertin et des Lumières par rapport à un 19e qui aurait été plus corseté. Est-ce que ça a quelque chose à voir, ce titre de parenthèse enchantée que vous avez donné à votre propre travail chez CNRS Éditions? Alors, c'est pas exactement le même mouvement que je décrirais. La situation décrite par Mona Ozouf est plus située socialement. Disons, c'est vraiment dans une toute petite partie de la population parisienne que se joue cette émancipation. Émancipation qui est extrêmement limitée d'ailleurs, enfin, dont certains autres et certaines autres chercheuses et chercheurs ont pu montrer que l'ouverture des femmes aux lettres était bien réduite, quand même restreinte, disons. Ce qui se passe dans les arts est un peu différent dans la mesure où l'ouverture concerne les femmes des classes les plus privilégiées, des fractions les plus privilégiées de la société, mais pas uniquement. Mmh. On a aussi des artistes qui viennent de milieux beaucoup plus modestes, et en ça, c'est quelque chose qui distingue les lettres des arts. C'est obligatoire. Mais tout de suite, Séverine Sofio, parce que vous expliquez justement dans votre recherche que, bon, il y a une corporation, évidemment, des artistes peintres, il y a l'Académie royale, et elles sont combien, quand même, les femmes? Donc, au milieu du XVIIIe siècle, avant la Révolution française, disons. Enfin, il y en a certaines, hein, vous en citez, qu'on a... Bon, il y en a deux qui sont très connues, et je pense à Vigée Lebrun, bien sûr, et puis à Adélaïde Guyard. Mais, bon, il y en a d'autres, en tous les cas, qui essaient d'entrer dans cette académie. Mais bon, ça reste quand même un nombre... elles sont minoritaires. Il y a l'Académie Saint-Luc aussi, une autre académie qui fait rivalité avec, justement, l'Académie royale. Alors, le contexte est finalement d'autant plus compliqué à étudier de ce point de vue que on focalise beaucoup l'attention sur l'Académie royale. C'est normal, hein, historiquement, les vedettes de l'époque sont là. Néanmoins, le monde des beaux-arts ne se limite pas du tout à l'Académie. Et l'essentiel des artistes, femmes, mais pas que, sont à l'extérieur de l'Académie. Ils sont plutôt dans ce monde qui est lié à la corporation. Une corporation qui est supprimée en 1776, corporation des peintres et des sculpteurs, qui est supprimée en 1776 et rétablie partiellement en 1777. C'est-à-dire que la corporation ne concerne plus à partir de ce moment-là que les artistes qui sont proches de l'artisanat, qui n'ont plus ce côté libéral, ce côté intellectuel, disons, de l'art. Hein. Là, je mets des mots complètement anachroniques. Hein. À partir de 1777, existe un nouveau statut qui est le statut d'artiste libre. Statut sur lequel vous avez beaucoup travaillé et qui, selon vous, a permis à beaucoup de femmes d'accéder à ces fonctions ou à cette pratique de l'art. C'est ça, puisque les femmes ont toujours été dans le monde de l'art. Il y a toujours eu des femmes artistes de tout temps. Depuis qu'on a trace des peintures, on sait qu'il y a des femmes dans les ateliers. Mais et des familles d'artistes, hein, vous expliquez bien ça. Hein, il y a aussi une transmission. Des ateliers qui sont généralement familiaux. On a découvert récemment dans un scriptorium du Moyen-Âge une femme qui avait un squelette de femme qui avait des morceaux de lapis lazuli à l'intérieur de ses dents, ce qui prouve qu'elle a pu faire partie de des enlumineurs dans un scriptorium médiéval. C'est tout nouveau, on ne le savait pas, et ça participe effectivement de cette redécouverte des femmes artistes à des périodes plus anciennes. Voilà, exactement. Et ce qu'il faut savoir, donc voilà, c'est que la plupart des femmes étaient embauchées au même titre que d'autres hommes, hein, dans les ateliers et travaillaient dans un collectif qui produisait des œuvres qui étaient signées du nom du maître. Le maître au sens corporatif du terme, celui qui avait le droit, celui qui était le propriétaire de l'atelier. À partir de 1777, les choses changent. Et c'est là qu'on assiste non pas à l'arrivée de femmes dans le monde de l'art, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on assiste justement à leur mise en lumière. Tout à coup, on les voit. Parce qu'on ne les voyait pas avant, et là, tout à coup, on les voit. Elles peignent en leur nom. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et l'arrivée des femmes de femmes de nouvelles classes sociales et de nouveaux milieux, c'est-à-dire de femmes qui ne sont pas filles d'artistes et à peu près concomitantes dans les années 1780, qui sont dues à d'autres facteurs, mais qui transforment là aussi la situation des femmes dans l'art. Alors, vous avez choisi un article de l'abbé de Fontenay, paru dans le Journal Général de France, numéro 71, du 14 juin 1785, et la réponse d'Antoine Renoux, paru dans le Journal de Paris, numéro 190, toujours en 1785, mais le 9 juillet, pour justement nous permettre de comprendre les débats autour de ces femmes peintres qui précèdent tout juste la Révolution française. Nous sommes en 1785, Daniel Königsberg. Qu'il nous soit néanmoins permis de demander s'il est du bonheur public et du bonheur particulier que des parents fassent inhumainement renoncer leur fille aux occupations et à l'esprit de ménage pour en faire des peintres. D'abord, se flattera-t-on que les femmes soient d'une constitution assez constamment robuste pour suivre les études et soutenir les travaux de cette profession? En second lieu, comment pourront-elles trouver assez de temps pour être à la fois des épouses soigneuses, mères tendres et peindre autant qu'il est nécessaire pour le faire bien? Les règles de la décence seront-elles respectées par des personnes du sexe dont les yeux sans pudeur auront été accoutumés à voir tous les jours un homme complètement nu? On ne se le persuadera pas aisément. Il n'est que trop vrai cependant qu'il existe à Paris plus d'une société académique de ce genre. Quel est donc le motif qui détermine les parents de la classe bourgeoise à dénaturer ainsi l'apanage et le devoir du sexe? Serait-ce le but du gain? Nous pouvons, dans ce cas, les assurer qu'ils calculent très mal. Les artistes mâles se multiplient déjà beaucoup trop. Les hommes savants et même renommés manquent dès aujourd'hui de travaux. Sur quoi donc l'espérance de ses parents réfléchis se fonde-t-elle? Sur des idées chimériques. Mais tel est le fruit de leur faiblesse coupable. En diminuant les heureuses qualités de leur fille, ils se privent des possibilités de les marier. Réponse d'Antoine Renoux à cet article dans le Journal Général de France de l'abbé de Fontenay en 1785. Il l'écrit, cette réponse, dans le Journal de Paris, numéro 190, du 9 juillet 1785. Voulez-vous bien m'accorder une place dans votre journal pour me battre en champ clos comme chevalier des femmes artistes, comme un champion qui, baissant la visière, les a traitées un peu discourtoisement dans un autre journal? L'auteur, emporté par un zèle outré mais estimable quant au motif, saisit cette occasion de crier à l'indécence et à la dépravation des mœurs. J'espère prouver par des exemples qu'une fille à qui l'on fait aimer le travail, par l'exercice d'un talent agréable, loin de perdre l'esprit et le goût inné des occupations du ménage, enchérit d'autant plus la retraite, se guérit de la frivolité ordinaire à son sexe et surtout de l'oisiveté de l'esprit, source de tous les vices. Car il en faut convenir, les travaux des femmes laissent un grand vide dans leur imagination. Je ne sais pas non plus s'il faudra entasser beaucoup de raisons pour prouver que ce n'est point dénaturer les femmes que de leur faire apprendre à peindre. Il ne faut pas, ce me semble, être plus robuste pour tenir le pinceau que l'aiguille. Combien de demoiselles, pleines de candeur et de vertu, trouvent encore dans le burin de quoi soutenir leur famille? Pourquoi donc ôter, par des déclamations vagues, à ce sexe déjà dépourvu de tous les moyens pour subsister, la ressource que leur présente un talent honnête? Voilà ce que répondront avec moi les gens sensés. Avouez-vous vaincu et concluez avec moi que les arts, bons en eux-mêmes, ne perdent point les mœurs des jeunes filles, qu'ils les rendent laborieuses occupent leur esprit et ne les empêchent point d'être de bonnes mères et des épouses fidèles. Quant à la question s'il n'y a point trop de peintres mâles ou femelles, car le talent n'a point de sexe, cela peut être. Mais dans une pépinière, quel jeune arbre oserez-vous arracher de préférence? Ne craindrez-vous point d'en détruire un qui aurait fait l'honneur du verger? Laissez-les donc croître. C'est à leur risque et fortune qu'ils porteront de bons ou mauvais fruits. Voici c'est donc vrai. La réponse d'Antoine Renoux, donc paru dans le Journal de Paris, à la diatribe de l'abbé de Fontenay en 1785, Séverine Yatta. Alors Séverine Sofio, là nous sommes 2 ans après justement la réception à l'Académie quand même de 2 grandes peintresses qui sont Elisabeth Vigier-Lebrun et puis Adélaïde Guyard. Et on voit bien à la fois qu'il y a professionnalisation sans doute du métier de peintre et d'artiste, de sculptrice pour les femmes, et que ça suscite évidemment une concurrence, un danger selon l'abbé Fontenay, qui choisit des arguments qu'on retrouve tout au long du 18e, du 19e et aujourd'hui encore, physiologique bien sûr, et la bonne moralité. Car ces femmes peintres notamment doivent apprendre à leur métier face à des modèles alors potentiellement nus. Alors, mais ça aussi, c'est presque un faux argument parce que ils ne sont jamais nus, les hommes. Ça arrive. En tous les cas, quand il s'agit des femmes. Non, justement, à cette période, on a des ateliers. Où les hommes sont nus, parce que je croyais que. Les hommes sont nus, oui, absolument. Il fallait absolument qu'ils aient un petit caleçon. Oui, après, je sais pas jusqu'où ils étaient nus, mais enfin, a priori, les séances d'anatomie, de myologie, donc les cours d'études des muscles qui se sont ouverts, qui étaient mixtes, autour de, notamment de 1799, on le sait puisqu'on a les archives, puisque le ministère de l'Intérieur l'a autorisé. Donc ces cours-là étaient faits à partir de cadavres et on peut imaginer que les cadavres étaient nus, a priori. Donc voilà, mais c'est une question qui a été évidemment posée de tout temps et qui l'est presque un peu aujourd'hui sous d'autres formes. Mais à ce moment-là, en tous les cas, le débat fait floresse, vraiment. Il suscite beaucoup de courriers. C'est vrai qu'on a la réponse d'Antoine Renoux et il faut qu'on l'explicite. Pourquoi Antoine Renoux prend-il la défense de ces femmes? Alors, il faut préciser déjà qu'Antoine Renoux, à cette époque, n'est pas n'importe qui. Quand il parle, il est secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ah, quand même. Donc, voilà, il ne signe pas en tant que secrétaire de l'Académie son article, mais son nom vaut, disons, a une portée symbolique. Son texte a une portée symbolique qui est d'autant plus forte, qui est d'autant plus forte que le Journal de Paris est un des plus lus de l'époque. Donc la réponse d'Antoine Renoux n'est pas la seule aussi. Il faut préciser que le texte de l'abbé de Fontenay a eu beaucoup de réponses, dont des réponses de femmes, qui ont été publiées. Donc on peut imaginer qu'il y a eu d'autres réponses qui n'ont pas été publiées. C'était uniquement des réponses hostiles aux théories avancées par Fontenay. Et l'idée, donc la raison pour laquelle Renoux va prendre la défense des femmes est en fait absolument logique et elle est à replacer dans l'histoire des arts à cette époque, qui est la terreur des autorités de voir l'école française, la peinture de l'école française en déshérence, en déliquescence. On craignait, on déplorait l'absence de grands peintres d'histoire, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Parce qu'il faut considérer que effectivement la peinture d'histoire est au plus haut dans la hiérarchie des arts à cette époque-là. Effectivement, voilà, c'est la peinture la plus glorieuse, celle qui représente les grands actes humains ou mythologiques. Et donc il faut une grande peinture d'histoire pour qu'on ait un grand royaume, quoi, pour que la gloire du royaume soit reflétée dans les arts. Donc on fait tout à l'époque pour inciter les artistes à faire de l'histoire. Et les femmes font de l'histoire, puisqu'elles sont formées dans les meilleurs ateliers à l'époque. Et c'est dans cette peinture d'histoire, d'ailleurs Séverine Sofio, qu'on est susceptible justement de peindre potentiellement des corps nus. Voilà, précisément. Et donc si on veut qu'il y ait un contingent de peintres formés Voilà. Donc il y a un paradoxe. Cette peinture, oui. Il y a un paradoxe à vouloir empêcher les femmes de faire de l'histoire, de peindre du nu, donc c'est-à-dire de faire de l'histoire. Et c'est tout le sens de la phrase de Renou à la fin. Quel arbre oseriez-vous couper dans la pépinière? À la limite, mieux vaut une peintre d'histoire que des peintres de fleurs ou hommes, ou des peintres de genre hommes. Voilà, c'est l'idée. Alors, il y a évidemment ce grand débat qui se déroule 4 ans avant le début de la Révolution française. Mais pendant la Révolution française, il sera relancé de manière nouvelle. Un texte de décembre 1793, le problème de l'adhésion des femmes soulevé à la première séance de la Société populaire et républicaine des arts. Plusieurs membres parlent successivement pour et contre l'admission. Un membre cite la société des Jacobins, où il y a une femme admise. Mais un autre membre dit que, chez les Républicains, les femmes doivent absolument renoncer aux travaux destinés aux hommes. Il aurait beaucoup de plaisir à vivre avec une femme qui aurait des talents dans les arts, mais ce serait agir contre les lois de la nature. Il pense que c'est parce qu'une femme célèbre, la citoyenne Lebrun, a montré de grands talents dans la peinture, qu'une foule d'autres ont voulu s'occuper de la peinture, tandis qu'elle ne devrait s'occuper qu'à broder des ceinturons et des bonnets de police. On propose de n'admettre que les citoyennes qui seraient reconnues pour avoir des talents et des mœurs. Mais plusieurs membres prétendent que cette admission ne pourrait que déplaire aux sociétés populaires. Cette considération semble réunir la majeure partie des opinions en faveur de l'exclusion, malgré l'observation faite que le règlement ne la prononce pas. L'Assemblée arrête donc que les citoyennes ne pourront être admises dans la société. Séverine Yattard. Alors ce moment de la Révolution française, Séverine Sofiot, va cristalliser à la fois des rivalités qui préexistaient déjà, mais la plupart des peintres déjà dans ce contexte sont plutôt favorables, enfin à la Révolution française, hein, qu'il s'agisse de la corporation ou de l'académie. Et donc il va falloir qu'ils se prononcent à la fois par rapport à cet événement, évidemment, et qu'ils se réorganisent, parce que la Révolution française va tout chambouler. C'est ça, précisément. Et la question, pour le coup, de la place des femmes est un fil intéressant à suivre dans les archives pour voir. En fait, c'est un catalyseur. Ça permet souvent de voir comment les collectifs se considèrent. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des collectifs professionnels, auquel cas les femmes sont évidemment les bienvenues, puisque les critères d'entrée sont professionnels. Vraiment, il y a des critères très précis qui sont édictés. Le fait d'avoir participé à des expositions, le fait d'avoir un atelier, etc. Ou alors, est-ce que ce sont des sociétés représentatives qui sont plutôt sur des critères autres qui seraient, moraux ou politiques. Voilà, qui seraient plutôt, disons, hétéronomes, pour parler comme les bourdieusiens, qui relèveraient d'une autre sphère que les arts. Et là, c'est le cas de la Société populaire et républicaine des arts, donc le texte qui vient d'être lu en décembre 1793. Les femmes qui jusque-là faisaient... Alors, faire partie de cette société ne veut pas dire avoir le droit d'être artiste. Faire partie de cette société veut dire avoir le droit d'y siéger et d'y avoir un droit de vote, d'y parler. Mais évidemment, tout ce débat n'empêche pas les femmes de peindre et d'exposer en 1793. Alors, vous parlez dans votre travail, Séverine Sofiot, dans ce livre qui s'intitule « Artiste femme, la parenthèse enchantée », 18e, 19e siècle, vous parlez d'une première féminisation, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, par le haut, 1780, 1790, et puis d'une seconde féminisation, c'est-à-dire que vous ne faites pas une rupture, une coupure brusque avec la Révolution française, puisque vous expliquez qu'effectivement, ce mouvement de féminisation des arts se poursuivra, selon vous, jusqu'au milieu du 19e siècle, avec ensuite un brusque retournement de situation. Et vous dites que tout compte fait, cette seconde féminisation se fait par défaut, par l'augmentation du nombre des aspirantes à la pratique artistique professionnelle, et que par exemple, on peut noter que sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, les femmes sont environ un tiers de copistes qui travaillent pour l'État. Et c'est ça peut-être qui est important, c'est-à-dire qu'elles sont validées par un État qui, on le sait, sous Louis-Philippe en particulier, est grand producteur d'œuvres d'art, en particulier de tableaux d'histoire, pour faire le fameux musée de l'histoire de France de Versailles qu'a voulu le roi. C'est ça. Donc, sous la monarchie de Juillet, on est à un moment où, à l'exposition, environ un peintre sur cinq est une femme. À peu près 30% des copistes, effectivement, qui travaillent. Donc, les copistes qui travaillent pour l'État copient essentiellement soit des portraits royaux, soit des tableaux d'église, donc des tableaux d'histoire. Donc, un tiers de ces peintres qui travaillent pour l'administration sont des femmes environ. Et puis, surtout, la reconnaissance de ces artistes est relativement importante puisqu'elles sont médaillées au salon dans les mêmes proportions que les hommes. Autour de 6% des hommes et 6% des femmes sont médaillées au salon. Donc la situation est néanmoins un peu différente par rapport au début du siècle dans la mesure où les femmes ne sont plus autant peintres d'histoire qu'elles l'étaient sous la Révolution. Elles ont commencé à aussi investir les genres mineurs pour longtemps puisqu'elles elles ne pourront bientôt plus en sortir. Mais à ce moment-là, les genres mineurs étant la peinture de fleurs, la peinture de miniatures, la peinture sur porcelaine, voilà, où il y avait de grands noms de femmes. Parce qu'à ce moment-là, il y a justement aussi une possibilité, une ouverture professionnelle, parce que vous expliquez bien, Sabine Sofio, qu'à ce moment-là, du coup, les familles, ça devient presque une promotion sociale d'être artiste, et que les familles vont investir sur leur enfant, et pourquoi pas leur fille, pour devenir peintresse ou sculptrice ou qui ouvre à ces métiers adjacents d'une certaine manière. Et il y a des écoles, voilà. Vous dites aussi qu'il y a des écoles qui vont être mises en place pour former même les jeunes filles. Absolument, oui. Les familles ont bien conscience que l'art est à cette époque un moyen d'ascension sociale qui est sans doute le seul à part le mariage, à une époque où les femmes n'ont pas accès à l'enseignement secondaire. Et les artistes femmes ne subissent pas le stigmate social que subissent par exemple les écrivaines à la même époque. C'est un métier honorable. Parce que justement, il y a cette possibilité aussi de travailler dans la broderie, dans des métiers plus... Non, parce que justement, elles peuvent... la broderie n'est pas très... C'est parce que ça offre... Disons, il y a beaucoup de débouchés professionnels, pour parler de manière anachronique là encore. Il y a beaucoup de possibilités de métiers depuis la peinture, le portrait, le portrait en miniature qui se vendait beaucoup moins cher, et puis jusqu'à le coloriage des gravures, la peinture sur porcelaine. Tout ça était un certain nombre de métiers qui étaient ouverts, y compris aux femmes de classe modeste. Et il y a toujours les salons et des pétitions qui sont adressées à la Chambre des députés en novembre 1840 pour protester contre la sévérité du jury du salon. Le jury, tel qu'il existe aujourd'hui, est l'institution la plus barbare, la plus illégale et la plus incroyable qui, chaque année, frappe au cœur des gens d'honneur, entr'ouvre des tombes et ôte le pain de malheureuses victimes. Les décisions du jury ont tué plus d'un artiste. S'il faut citer un exemple entre mille, nous le ferons pour l'édification de messieurs les députés. En mars 1840, mademoiselle Camille Eude, élève de monsieur Steuben, reçue à un salon et refusée à celui de 1939 et celui de 1840, était le 1er mars au matin riche d'espérance, enjouée, et 15 jours après, nous assistions à ses obsèques. Personne au monde n'osera démentir ce fait et le motif qui l'a déterminé. Alors, Séverine Sofio, le salon, ça tue les femmes ? Le salon tue. oui, pas que les femmes, mais c'est ça qui est très intéressant. Enfin, alors, il tue, c'est beaucoup de... ça reste à prouver. C'est un trait d'esprit. C'est une légende qui courait beaucoup à l'époque. Le suicide des artistes. Est-ce que ça s'est révélé vrai? C'est difficile à savoir en réalité. En tout cas, le salon est cruel. Ça, c'est sûr. Le salon exclut. Alors, il est annuel à partir de 1830. 31, 34, je ne sais plus. Il est annuel, en tout cas, à partir des années 30, ce qui permet de réduire un peu les dégâts. Parce qu'un artiste ou une artiste exclue du salon pour une année peut représenter l'année suivante. Mais le fait que dans cette pétition, les artistes... donc c'est une pétition qui a été signée par une majorité d'hommes de lettres et d'artistes hommes. Il y a quelques femmes dans les signataires, mais pas une majorité. Et donc le fait que ces artistes se placent spontanément sous l'égide d'un seul exemple, qui est celui d'une femme, est assez unique dans l'histoire des arts, je crois. Charlotte Fouché-Zarmagnan, vous avez travaillé, vous, plutôt sur la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, sur ces créatrices donc au tournant des deux siècles. Mais néanmoins, ce découpage chronologique que nous a présenté depuis le début de l'émission Séverine Sofio, vous convient, c'est-à-dire un moment d'ouverture, un moment de progressive habitude de prise à légitimer la présence des femmes artistes dans la société française, et puis un moment de clôture qui correspondrait aux alentours des années 1850, c'est ça ? Oui, moi, au passage du 19e au 20e siècle, on voit justement que la création artistique repose sur un puissant clivage qui est celui de la création qui serait du côté des hommes et les femmes seraient reléguées à la procréation. Et donc, ça fonctionne en fait sur une théorie finalement de la complémentarité des vases communicants. Aux hommes, les grands genres, la grande technique, les grands sujets, et aux femmes, les petits sujets, les petites dimensions, etc. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a effectivement pas mal de discours misogynes, biologisants, essentialistes, qui vont reléguer la femme du côté de sa vocation maternelle et conjugale. Parce que vous ne vous êtes pas intéressé simplement au discours des critiques d'art, mais aussi au discours des médecins, au discours des prêtres, au discours de tous ceux et de toutes celles qui ont prétention à comprendre la femme dans sa dimension créatrice. C'est ça, des discours d'autorité. Alors, par exemple, il y en a un, c'est celui des médecins Cesare Lombroso et Guglielmo Ferrero. Ah oui, il faut les citer, parce que ce sont des grands penseurs de la peine, en particulier des peines infligées de la prison à la fin du 19e siècle. Ils ont aussi des idées sur les femmes, oui. Et en particulier sur les femmes créatrices. Exactement. Enfin, ils ont beaucoup travaillé en fait sur la femme criminelle et la prostituée. Ils ont fait un ouvrage là-dessus. Donc, ils ont publié en italien, mais leurs idées sont diffusées dans toute l'Europe. Et dans ce travail, ils expliquent que l'intelligence féminine repose sur le misonéisme. Alors le miso, c'est la peur, et néisme, le nouveau. C'est-à-dire que les femmes seraient pas capables de prétendre à l'originalité et à la nouveauté. Ouais. Et donc elles seraient condamnées à imiter. À la copie. Exactement. Parce qu'elles procréent, hein, c'est toujours cette problématique. C'est ça. Qui avance, et on peut pas procréer et créer. C'est ça. Oui, parce que vous avez travaillé justement sur tous ces discours sur la procréation, sur ces femmes artistes qui... au tournant du 19e et du 20e siècle, sont régulièrement représentées dans des caricatures comme des femmes au teint verdâtre. Soit elles sont ménopausées et donc elles ne sont plus utiles d'une certaine façon à la société qui doit produire des enfants pour pouvoir peut-être prendre sa revanche sur l'Allemagne. Mais également, soit elles sont jeunes, elles ont la possibilité de faire des enfants, mais la peinture leur enlève la création naturelle, qui est la création des enfants, en l'occurrence. Exactement. Donc, c'est cette théorie que j'expliquais, un peu des vases communicants. C'est intéressant parce que, justement, on voit que une femme belle qui peut procréer ne peut pas créer, alors que, justement, quand elle peut créer, eh bien, elle va se masculiniser, elle va se déféminiser et elle va se viriliser. Donc, il y a vraiment quelque chose à penser. Et on retrouve ça chez les écrivaines. Hein, oui. On en parlera demain. De manière courante, où celles qui créent ont un cerveau d'homme, c'est pas voilà, c'est incompatible. Exactement. Mais néanmoins, devant ces barrières qui sont mises à leur carrière potentielle d'artiste, ces femmes, vous ne les représentez jamais, en l'occurrence Charlotte Fouché-Zarmagnan, comme étant des pures victimes de cette société masculiniste qui se développe au 19e siècle, mais au contraire comme des actrices de leur propre destin. Vous les présentez comme ayant des stratégies de contournement de ces règles qui sont imposées à ces femmes artistes, et vous les déterminez avec quatre stratégies en général: la convenance, la délégation, la pluridisciplinarité ou la légitimation. Vous pouvez nous les résumer comme ça, comme stratégie de défense, pourrait-on dire, et même d'attaque face à ces attaques qui sont faites contre leur destin d'artiste. Alors, ce sont des stratégies qui à la fois permettent d'assimiler ces discours ambiants que j'ai expliqués là, ces discours physiologiques extrêmement misogynes. jeune, donc la convenance, et qui s'associe plutôt, on va dire, à des milieux artistiques. Donc la convenance, je l'ai plutôt associée aux arts décoratifs, puisque les femmes sont bien accueillies dans ce type de création, parce que justement, c'est des choses... La reliure, la gravure, exactement, la broderie, etc. Une petite dimension. Un côté artisanat. Voilà, où l'esthétique s'allie à la fonctionnalité, aussi à l'utilité, où les femmes peuvent créer dans leur espace domestique, donc elles ne sortent pas aussi du foyer. La délégation, c'est plus, on va dire, subtil, c'est-à-dire que j'associe ça au milieu spirit et au milieu médiumnique. On est à la fin du 19e siècle où justement... Le spiritisme est très en vogue. Exactement, tous ces milieux paranormaux. Et les femmes, plutôt que de se placer au premier plan, vont choisir de déléguer la création à un esprit qui les guide. Donc, elles ne vont pas justement aussi signer leur production avec leur nom. Donc, on va avoir beaucoup de productions anonymes. Et justement, elles vont se désengager de tout... signature créatrice, de toute signature artistique. La pluridisciplinarité, donc je l'ai étudiée à partir de deux cas précis, dont celui de Sarah Bernhardt, qu'on connaît comme comédienne, mais qui a également pratiqué la peinture et la sculpture. Elle a été beaucoup raillée, justement, sur cette dispersion, cette vocation à vouloir toucher à tout, à aller voir un peu ailleurs. Et puis la légitimation, justement, c'est cette question d'un parcours qui serait précisément balisé, où les femmes passeraient de la formation artistique à l'exposition au salon et soumettraient leurs œuvres aussi à la réception critique. Alors, et puis il y a aussi protestation, énonciation et contestation justement de ces principes-là, dans un texte notamment de Marie Bascirceff, qui elle-même est peintre et qui... comptait justement l'idée que les femmes ne pourraient pas rentrer à l'académie et aussi être des grandes créatrices. La citoyenne, 6 mars 1881. Je n'étonnerai personne en disant que les femmes sont exclues de l'école des beaux-arts, comme elles le sont de presque partout. On les admet pourtant à l'école de médecine. Pourquoi pas à l'école des beaux-arts ? Mystère. On craint peut-être les esclandres que provoquerait l'élément féminin dans ce milieu de comédie légendaire. Mais il n'aurait qu'à faire comme en Russie et en Suède, séparer les ateliers où l'on travaille d'après le modèle et ne réunir tous les élèves que pour les cours. Aussi, n'est-ce pas là la raison ? La raison ? Mais il n'y en a pas. On n'y a jamais songé, et voilà tout. Ainsi, vous qui vous proclamez bien haut, plus fort, plus intelligent, mieux doué que nous, vous accaparez pour vous seul une des plus belles écoles du monde où tous les encouragements vous sont prodigués. Quant aux femmes que vous dites frêles, faibles, bornées, dont un grand nombre est privé même de la banale liberté d'aller et de venir, par le mot convenance, vous ne leur accordez ni encouragement ni protection. Au contraire, c'est peu logique. Ne recommençons pas la comédie des femmes au foyer, n'est-ce pas ? Toutes les femmes ne sont pas artistes, de même que toutes ne veulent pas être députées. C'est d'un très petit nombre qu'il s'agit, qui n'enlève rien au fameux foyer, vous le savez fort bien. Nous avons des écoles de dessin de la ville, très suffisantes pour celles qui se destinent à l'industrie, mais nulles au point de vue vraiment artistique, ou bien deux ou trois ateliers à la mode où les jeunes filles riches s'amusent à faire de la peinture. Mais ce qu'il nous faut, c'est la possibilité de travailler comme les hommes et de ne pas avoir à exécuter des tours de force pour en arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement. On nous demande, avec une indulgente ironie, combien il y a eu de grandes artistes femmes. Eh, messieurs, il y en a eu. Et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elle rencontre. quel texte de Marie Bachelet-Seff dans Les femmes artistes, la citoyenne, le 6 mars 1881, un véritable plaidoyer. Mais Séverine nous en faisait tout à l'heure le rapprochement. Effectivement, c'est en même temps que naissent aussi les journaux féministes, que naît la Fronde, ou presque en même temps, et qu'il y a effectivement une poussée pour acquérir des droits. C'est la première vague des féministes de la fin du 19e siècle. Et donc, il n'y a pas de raison que les femmes artistes n'aient pas les mêmes droits, effectivement, que les hommes artistes à ce moment-là. Bien sûr. Et donc, c'est ça que souligne Marie Bachelet-Seff. Alors, soulignons quand même que ce texte, elle le publie sous pseudonyme et elle le publie dans une revue féministe. Donc, on voit que la voix des femmes est quand même difficile à porter voilà, dans un contexte plus global. C'est un plaidoyer pour la conquête des femmes à une reconnaissance professionnelle, à une formation professionnelle universelle et égalitaire, puisqu'on est à la fin du 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1897, l'école des beaux-arts est fermée aux femmes. C'est-à-dire... Ça s'est refermé de fait, parce que ça, c'était pas le cas. Pas le cas avant, mais justement, jusqu'en 1897, l'école des beaux-arts est fermée aux femmes, et elle va s'ouvrir grâce à un collectif féministe qui se constitue, et qui s'appelle l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui donc se constitue aux alentours des années 1880, et en 1889, ils vont faire rédiger une motion dans laquelle ils souhaiteraient que l'école des beaux-arts, justement, ouvre une classe spéciale pour les femmes. Cette motion va être rejetée. Officiellement, l'école des beaux-arts dit qu'elle ne peut pas réorganiser ses locaux, etc. Donc, il y a des questions d'espace. Et officieusement, on sait bien que la féminisation peut être synonyme de déclassement de l'institution si on laisse les femmes entrer. Et puis, il y a aussi cette question, on soulignait, de convenance et de bienséance. Toujours le nu, la toujours question le du nu, la exactement. Mixité. Alors, moi, ce que j'ai observé au 19e siècle, c'est que justement, c'est plus compliqué pour les femmes de peindre, de dessiner, de sculpter d'après un modèle vivant masculin entièrement nu, alors que les hommes peuvent le faire avec un modèle masculin ou un modèle féminin. Alors, vous avez beaucoup travaillé, en l'occurrence, dans votre travail universitaire, Charlotte Fouché-Zarmagnan, sur l'ensemble de ce monde de l'art, c'est-à-dire pas simplement sur les artistes elles-mêmes, mais vous avez voulu le replacer dans un contexte où il y avait des femmes qui n'étaient pas forcément au pinceau ou au burin, mais qui étaient à l'arrière. Alors, vous avez travaillé sur les couples. Les couples d'artistes, en vous interrogeant justement sur la place que tenait la femme lorsque la femme était artiste et l'homme était artiste. Alors on peut parler évidemment du couple célèbre de Rodin et de Camille Claudel, on en parlera dans un instant. Mais vous avez travaillé aussi sur les collectionneuses, sur les collectionneurs. Vous nous rappelez que la fameuse collection Campana, qui est exposée ces temps-ci au Louvre, on la doit en grande partie au travail secret de Hortense Lacroix-Cornu auprès de Napoléon III, par exemple, en 1861. Vous nous rappelez que si on a encore dans les collections nationales les glaneuses de Millet, c'est grâce à Jeanne-Alexandrine Pommery, des Champagnes Pommery, qui a acheté à son propre compte en 1890, avec sa fortune personnelle, le tableau pour éviter qu'il ne parte aux USA. Vous nous expliquez effectivement tout cela, c'est-à-dire que les femmes artistes ou amateurs d'art, il faut les mettre ensemble, ou amatrices d'art, il faut les mettre ensemble pour pouvoir comprendre ce qu'est ce milieu de la fin du 19e siècle. Bien sûr, je pense qu'il y a un phénomène aussi de solidarité féminine et de sororité qui se met en place. Pour reprendre l'exemple de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, ce sont des artistes, évidemment, mais elles vont publier un bulletin, elles vont être également commissaires d'exposition, elles vont faire porter leur voix aussi dans des journaux féministes comme des critiques d'art, donc elles ont aussi plusieurs casquettes qui me semblent assez intéressantes. À un moment où, alors... les femmes sont plutôt toujours à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, mais vous parlez aussi dans un article de la question de la fréquentation aussi des musées. Et qu'est-ce que ça sous-entend, à la fois comme visiteuse ou alors justement comme copiste, pour revenir sur cette profession assez féminisée? Oui, c'est ça. Comme le disait Séverine, les femmes ont toujours été présentes dans les milieux de l'art en tant qu'artistes, mais elles ont toujours aussi été présentes dans les musées, même si l'histoire des musées s'est aussi constituée au masculin, c'est écrite au masculin. mais oui. Alors évidemment, la panique génitale saisit certains des hommes de cette époque-là. J'ai découvert effectivement les écrits de Strindberg, qu'on aime beaucoup, mais effectivement sur l'infériorité de la femme, les écrits du frère de Sarpe-Ladan, qui était médecin, Adrien Peladan, sur le cerveau qui était masculin, qui pouvait accueillir la gestation intellectuelle, tandis que la femme ne pouvait pas, parce que effectivement son cerveau n'était pas fait pour cela. Et c'était plutôt son utérus qui créait pour la femme. Effectivement, tout un tas d'écrits qui sont contemporains justement de ces combats et de ces bagarres pour obtenir des droits. Mais il y a aussi certains hommes qui défendent les femmes artistes comme Octave Mirbeau à propos du travail de Camille Claudel. Tiens, c'est comme Camille Claudel. On dirait ma parole à entendre les critiques que son buste d'enfant, taillé par elle-même, en plein marbre, est un joli ouvrage de dame et rien de plus, alors que c'est en réalité un vrai et puissant chef-d'œuvre. Tu auras beau dire qu'il est là et qu'on peut le voir, est-ce que le fait qu'il soit là sera assez fort pour ouvrir les yeux du public à cette beauté et pour que l'État se décide enfin à faire à Mademoiselle Claudel une commande importante, digne de son génie? Voici une jeune femme au cerveau bouillonnant d'idées, à l'imagination somptueuse, à la main sûre, assouplie à toutes les difficultés du métier de statuaire. Une jeune femme exceptionnelle, sur qui n'est demeurée l'empreinte d'aucun maître et qui prouve que son sexe est susceptible de création personnelle. Voici une admirable et rare artiste enfin. Qu'en fait-on? Et que dit d'elle la critique? Devant ces morceaux poignants, où la nature, si exceptionnellement comprise et sentie, revit de tous les prestiges de l'art, la critique passe et elle dit « agréable ouvrage, œuvre délicate, comme s'il s'agissait d'une tapisserie faite le soir entre une vieille douairière qui tousse et un vieillard qui ronfle au coin du feu ». C'est tout simplement une merveilleuse et grande artiste. Nous voilà en présence de quelque chose d'unique, une révolte de la nature, la femme de génie. Profitons-en pour saluer dans ma bonne ville de Poitiers l'arrivée de deux nouvelles œuvres de Camille Claudel qui sont prêtées au musée Sainte-Croix de Poitiers. Il y en a déjà, il y en aura 12 donc en tout dans ce musée Sainte-Croix qui est un des plus grands à posséder les Camille Claudel. Il s'agit du buste de Rodin et de Ève qui ont été prêtées par le musée de Guéret. Voilà donc un beau plaidoyer pour l'artiste femme qui est Camille Claudel et sur laquelle vous avez évidemment travaillé, Charlotte Fouché-Zarmagnan. Oui, c'est un discours de soutien qui contrecarre un peu tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. De misogynie, ça fait du bien. Il y a les Redoux au début et il y a donc Mirbeau à la fin. Et sur voilà. Camille Claudel en particulier, parce que bien sûr, beaucoup ont écrit sur le couple Camille Claudel-Rodin, maîtresse de Rodin, et qui ne pouvait faire que du Rodin et de la copie de Rodin. Tout à fait. Et donc Camille Claudel aussi, dans toute sa carrière, elle a tenté aussi de s'affranchir de cette tutelle masculine, qui est à la fois la tutelle, évidemment, de Rodin, mais aussi du frère Paul Claudel. Elle a souvent aussi été affiliée, évidemment, à son frère. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans ce texte, c'est le vocabulaire employé. C'est-à-dire que là, on est dans une femme de génie, une révolte de la nature. C'est un vocabulaire aussi, finalement, assez masculin, qui est mobilisé. C'est-à-dire qu'ici, c'est une artiste qui fait des grandes œuvres, puissantes, viriles, des œuvres singulières. Donc on est à l'opposé de tout ce qui peut être charmant, mignon, délicat et qu'on associe souvent aux femmes. Alors ça tient aussi peut-être au fait que Camille Claudel est sculptrice. Et là aussi, il pourrait y avoir quelque chose à penser en termes de genre, c'est que la peinture serait plus convenable pour une femme que la sculpture. La sculpture, ça nécessite côté physique. Un côté physique, évidemment. Hein. Tailler le marbre, c'est pas évident. Et de sortir aussi de son espace domestique. C'est-à-dire qu'on peut peindre de chez soi, mais sculpter, c'est plus compliqué. Il faut un atelier, il faut tout un tas aussi d'outils. Et en même temps, Charlotte Fouché-Zarmagnan, elle va prendre son identité d'artiste dans la miniature et elle arrive à en faire quelque chose d'unique et quelque chose de génial, puisque par rapport à un Rodin qui fait du monumental, hein, vous l'expliquez, elle fait justement de la sculpture miniature, qui n'est pas cette, entre guillemets, cette sculpture typiquement féminine ou cet art féminin qui est évidemment dévalorisé. Parce que oui, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que justement pour s'affranchir de la tutelle rodinienne, il fallait qu'elle aille du côté des petites dimensions, mais en même temps, il y a une préciosité et une technicité très forte dans l'art de Claudel. C'est quelqu'un qui va par exemple travailler des matériaux très compliqués comme l'onyx. C'est très très compliqué. L'onyx et le bronze mélangé. Hein, de, voilà, comment dire, mélanger différents matériaux. Et ça, c'est une vraie technicité, et une vraie force. Elle est assez lucide parce qu'elle écrit à son frère en 1893, tu vois, ce n'est plus du tout du Rodin. Ouais. Donc elle a bien compris qu'elle était en train de se détacher de son modèle et de son emprise. Merci à toutes les deux. Merci à vous, Séverine Sofio. Un dernier mot, ces études, justement, sur les femmes artistes sont profondément renouvelées avec vos travaux à toutes les deux, mais aussi bien d'autres travaux qui sont publiés très régulièrement désormais. Vous pensez que, comme pour la musicologie hier ou comme pour les autrices demain, eh bien, on va aborder un nouveau champ avec des nouveaux travaux, justement, qui vont se développer autour de la redécouverte et aussi peut-être les nouvelles façons de voir, justement, la place de ces artistes dans les sociétés passées? Oui, on peut l'espérer, bien sûr. On peut aussi espérer qu'il n'y ait pas besoin de faire un chant à part et que l'art des femmes soit considéré au même titre que l'art des hommes comme digne d'intérêt. Parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit dès le début, c'est que toute l'histoire de l'art est conditionnée par une écriture qui a évidemment minoré la place des femmes tout au long de ces 18, 19 et 20e siècles. Et déjà, il y a tout un travail à faire pour faire ressurgir toutes ces femmes artistes. C'est ça, il y a tout un travail à faire sur le discours et sur l'étude des discours et sur l'étude des pratiques de ces artistes. Donc, ce qu'on dit sur elles et ce qu'elles ont fait. Charlotte Fouché-Zarmagnan. Oui, oui, là, on peut défendre effectivement une histoire de l'art mixte maintenant, hein, essayer de s'intéresser à un sujet en mettant aussi à la fois en valeur les œuvres des hommes et les œuvres des femmes. Manière égalitaire et paritaire. Merci donc à toutes les deux. Je rappelle vos propres travaux. Donc on peut trouver chez Mare et Martin, donc créatrice en 1900, votre livre tiré de votre thèse Charlotte Fouché-Zarmagnan, mais on peut trouver au CNRS édition Artiste femme, la parenthèse enchantée 18e-19e siècle, signée par Séverine Sofio. Et puis je rappelle effectivement qu'en juin au Musée des Beaux-Arts de Rennes, il y aura une grande exposition qui durera tout l'été d'ailleurs, qui s'intitule Créatrice, l'émancipation par l'art, avec 80 œuvres du Moyen-Âge à nos jours, dont la commissaire est Marie-Jo Bonnet, et puis qu'on peut trouver aussi donc à la Halle Saint-Pierre à Paris, une exposition qui s'intitule A, Modern Art and Pop Culture, donc à partir du mois prochain, le 23 mars, et qu'il y aura là une douzaine d'artistes contemporaines qui seront exposées dans cette exposition A, H-E-Y, avec un point d'exclamation, Modern Art and Pop Culture à la Halle Saint-Pierre à Paris. Merci à Daniel Königsberg d'avoir lu les textes aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Théo Gomard était avec nous à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et puis en apostille à notre émission d'hier, notons que le livre Compositrice, l'égalité en acte, on parlait des compositrices de musique hier, vient tout juste de sortir, vous pourrez le trouver, c'est dans la collection édition MF, la collection Parole, avec une direction éditoriale de Laure Marcel Berlioz, d'Omer Corlet et de Bastien Gallet, avec une préface de Françoise Nissen, compositrice, l'égalité en acte chez MF.